Sont publiés par les presses universitaires de France. On les trouve en librairie depuis mai 2005 sous le titre « Regards croisés sur l'Europe ». Jean-Claude Chenet passe son doctorat en démographie à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puis un doctorat d'état en sciences économiques. Directeur de recherche de première classe à l'INED, maître de conférence à l'école polytechnique, visiting professor à la Johns Hopkins University, Jean-Claude Chenet est l'auteur de « La revanche du tiers-monde » et « Le crépuscule de l'Occident ». Il est actuellement directeur de l'INED, Institut national des études démographiques. Très pessimiste, Jean-Claude Chenet tient les discours sur l'avenir glorieux de l'Europe, au mieux pour une niaiserie, au pire pour une imposture. Pour lui, l'Europe a, je cite, une vision irénique, bureaucratique et molle, et en plus, explique ce démographe, elle est vieille. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir inscrit à l'ordre du jour l'ensemble des travaux que vous réalisez sur l'Europe. Nous nous connaissons déjà depuis un certain temps et je suis vraiment très touché d'être parmi vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Alors j'ai pris un titre plus explicite que celui qu'on m'avait demandé. J'ai mis un titre volontairement tonique, c'est « L'Europe ou l'illusion de la grandeur ». C'est très volontaire parce que quand j'ai des contacts avec des amis américains, beaucoup pensent encore que l'Europe peut devenir une puissance. Pour quelle raison? Parce que nous l'avons dit et répété, il y a eu une rhétorique extraordinaire au moment du vote du traité de Maastricht sur l'Europe qui devait devenir la grande puissance. Puis à nouveau, à l'occasion du sommet de Lisbonne, on a annoncé clairement que l'Union européenne allait être l'économie la plus forte et la plus compétitive du monde dès 2010. Alors, bon, ce genre de propos, je ne peux pas le laisser passer parce que c'est contraire à la vérité. Je vais vous aligner un certain nombre d'éléments. Le premier argument est très simple. C'est un argument sur le PIB en parité de pouvoir d'achat. Dès 1990, les États-Unis, à eux seuls, avaient un PIB supérieur à l'Union des 15. Ça, il faut le dire et le répéter. Personne ou presque ne le sait. Deuxième chose sur les États-Unis sont en train de franchir la barre des 300 millions d'habitants avec un accroissement démographique lié à la fois à une fécondité sensiblement plus forte, nettement plus forte, supérieure de près de moitié à celle de l'Europe, et une immigration que vous connaissez époustouflante. Mais n'oubliez pas une autre chose, c'est que la qualité de l'immigration se renforce. Tout le monde a en tête les 40 millions d'hispaniques, on a refait les comptes parce qu'il y a eu un recensement, on sait maintenant que les hispaniques sont plus nombreux qu'on ne le croyait, et du coup leur fécondité a été revue à la baisse. Et du coup aussi, on s'est aperçu que l'avantage de fécondité des États-Unis ne tenait pas à la présence hispanique, mais à d'autres phénomènes, dont le phénomène religieux. Et phénomène entièrement nouveau, l'immigration nouvelle dans les flux actuels est asiatique. Il y a autant d'asiatiques parmi les gens qui arrivent aux États-Unis que d'hispaniques maintenant. Et à terme, les plus nombreux seront les Asiatiques. Ceci parce que la fécondité latino s'est effondrée depuis les années 70. Il faut le répéter. Et les Hispaniques sont en voie d'assimilation avec tous les aléas qu'on connaît pour les premières générations, les deuxièmes générations. Au fond, les Hispaniques sont des Européens catholiques, point. D'où la quasi-absence de véritable problème. Il n'y a pas de menace terroriste, il n'y a pas de soulèvement, de destruction. Les choses se passent comme toujours avec des frictions, mais sans problème politique majeur. Et le bilinguisme, dirais-je, n'est pas un vrai problème. Dans les générations nouvelles, les enfants sont quasiment tous bilingues ou trilingues. Donc, il faut éviter ce débat. Il n'a pas de sens. En Europe, par contre, l'élargissement a signifié un affaiblissement sur le plan démographique, non pas en taille, mais en degré de vieillissement. La population qui entre est une population qui a une fécondité nettement plus basse que la population des 15. Nettement plus basse et sans perspective de relèvement. Et c'est une population beaucoup plus pauvre. Donc, nous allons avoir à faire des efforts particulièrement importants. La leçon de la réunification allemande demande à être méditée. Les Allemands pensaient que le rattrapage se ferait en une dizaine d'années, et beaucoup d'entre eux, des germanistes ou des Allemands eux-mêmes, beaucoup d'économistes disent il faudra un demi-siècle. Alors, méditons, c'est un enseignement important pour l'ensemble de l'Europe. J'arrive maintenant aux autres communautés économiques, parce que l'Europe finalement n'est qu'une communauté économique, il n'y a presque rien qui soit harmonisé, l'enseignement n'est pas harmonisé, les systèmes de santé, les systèmes bancaires, les réglementations, c'est une sorte de monde virtuel, l'idée d'harmonisation. Alors je fais des comparaisons avec les autres ensembles économiques, comme l'ALCA, la future union, puisqu'on peut parler au futur, des deux Amériques, les Brésiliens traînent les pieds, mais cette ALCA a déjà 850 millions d'habitants. L'ALENA seule en compte presque 400 millions, 50 millions. Elle existe, l'ALCA n'existe pas encore. Donc, elle est, sur le plan démographique, à parité avec l'Union actuelle des 25. L'ASEAN, vous savez que l'ASEAN aussi est appelée à s'élargir. Et évidemment, il y a des conflits, on ne sait pas très bien dans quelle direction évoluera l'ASEAN, mais le modèle idéal que souhaitent les responsables est le suivant. On va s'élargir d'abord au monde confucéen, ça veut dire la Chine, la Corée du Sud, le Japon. Puis, dans un deuxième temps, toujours avant 2015, à l'Inde. Si vous prenez ce scénario au sérieux. Vous tombez sur un univers qui rappelle ce qui a été dit précédemment concernant le dernier Ramsès, le Ramsès 2005. L'ASEAN serait un ensemble où, vers 2015, vivraient plus de 3 milliards d'hommes. Et c'est un ensemble d'un dynamisme incroyable qui ne respectera pas les règles de l'OMC. Il faut le savoir, il ne faut pas se voiler la face. Alors maintenant, j'en arrive à des choses qui touchent plus le voisinage de l'Europe et l'immigration. L'Europe est une donnée géographique, elle est entourée par un premier cercle, c'est un arc musulman. Et il y a ensuite un deuxième cercle, au-delà, c'est l'Afrique subsaharienne. Je vais d'abord parler de l'arc musulman, et je vais prendre les pays les moins lointains des frontières de l'Union des 25, et je vais en prendre 25 aussi, de façon à faire une comparaison qui ne soit pas dénuée de raison. Les 25 pays de l'arc musulman, les plus proches, ont une population maintenant inférieure à celle de l'Union européenne. Mais à l'horizon 2050, même si évidemment il y a une marge d'incertitude, ces pays, ces 25 pays qui sont nos voisins les plus proches, devraient compter plus d'un milliard d'hommes, alors que l'Union a 25, elle sera peut-être à un peu plus de 25 à ce moment-là. Mais elle serait, si elle restait à 25, autour de 400 millions d'hommes. Vous voyez le déséquilibre. Et deuxième chose qui est importante du point de vue du dynamisme et du point de vue des finances publiques et de la main-d'œuvre, c'est le déséquilibre extraordinaire des pyramides des âges. J'ai donné des documents. L'Europe aura une pyramide des âges en forme de tonneau, c'est déjà un peu le cas. Et ces pays auront encore, même si le profil changera un peu, auront encore une pyramide des âges triangulaire. Si bien que le nombre de jeunes dans l'arc qui nous entoure sera 5 à 6 fois plus grand que le nombre de jeunes au sein de l'Union européenne. Alors on imagine ce qui pourra se passer en matière de choc éventuel ou de pression migratoire ou de tension, voire de menace, pour reprendre le mot qui a été utilisé. Alors, n'oublions pas que ce monde, hélas, le PNUD l'a montré dans son rapport de l'an 2002, qui a été écrit par des arabisants, des spécialistes du monde arabe, qui sont eux-mêmes arabes, économistes ou experts de différentes spécialités. N'oublions pas que le monde arabo-musulman va très mal. Très mal. Si on fait le bilan des deux dernières décennies, on s'aperçoit que parmi les pays de la Ligue arabe, parmi les 22 pays en question, aucun n'est vraiment parvenu à implanter la liberté et la démocratie, et aucun n'est vraiment parvenu à faire partager la richesse, autrement dit la prospérité. Donc il y a un mécontentement. Il y a une frustration de plus en plus forte. Je ne veux pas évoquer le cas algérien qui, vous le savez, est probablement l'un des plus douloureux pour nous. Nous n'avons rien pu faire ou nous n'avons rien voulu faire, je ne sais pas, mais je trouve qu'en tant qu'Européen, notre responsabilité était quand même un peu en cause et en tant que Français, davantage. Et le drame de l'ex-Yougoslavie aussi me peine beaucoup parce que bon, l'Europe n'a pas été assez puissante pour faire quoi que ce soit. Il a fallu faire appel à celui qu'on diabolise du soir au matin, les États-Unis. Bon, c'est même pas très honorable. Donc il y a la faillite du monde arabe. Ensuite, concernant, je vais continuer sur ce premier cercle, contrairement à ce que certains islamologues réputés chez nous ont dit et écrit dans des ouvrages, l'islam politique n'a pas disparu. C'est même le contraire. L'islam politique est exubérant. Il est en pleine expansion. Et précisément, il se nourrit de ce terreau que je viens de présenter à l'instant. Comment voulez-vous que des masses, des dizaines de millions de jeunes qui sont sous-employés ou carrément au chômage, qui sont extrêmement mal logés, serrés dans des appartements avec leurs parents et ne peuvent pas quitter leur famille, ne peuvent pas accéder au logement. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent s'épanouir et ne pas résister aux promesses que leur font certains démagogues qui, en plus, dans certains cas, disent qu'ils vont devenir des héros et qu'ils seront des prophètes et que même s'ils meurent, ils seront emmenés au paradis. Ouais, c'est ça. Ah, vous savez, c'est extrêmement... Là, il y a vraiment une faille entre notre monde et ce monde. Une faille qui va au-delà, je crois, de l'incompréhension. Il y a des réalités qui nous divisent. Et pour la première fois dans notre histoire en France, nous sommes un vieux pays d'immigration. Nous sommes devenus un pays d'immigration au milieu du 19e siècle, pour des raisons démographiques, parce que nous n'avions pas assez d'hommes pour nourrir nos armées, Napoléon le disait déjà, et nous n'avions pas assez d'hommes pour nourrir notre industrie naissante. Nous sommes devenus un pays d'immigration et nous avons une connaissance très profonde de l'immigration. Pour la première fois dans notre histoire, après un siècle et demi d'immigration, nous avons une immigration communautariste, délibérément communautariste. Les migrants ne se présentent plus comme, afghans, s'ils sont afghans, pakistanais, s'ils sont pakistanais, égyptiens, s'ils sont égyptiens, algériens, s'ils sont algériens, marocains, et ainsi de suite, ou maliens. Ils se disent généralement, ou disons le monde médiatique les dit musulmans. Alors vous imaginez, c'est très difficile. Jamais nous n'avons connu ce phénomène. Comment faire face? Nous avons connu une immigration italienne, polonaise, on savait négocier avec les gouvernements. Mais comment voulez-vous, devant un phénomène, un tel raz-de-marée, une sorte d'identification nouvelle qui se fait par une religion ou par une civilisation souvent opposée, qui se veut opposée par son système de valeurs à notre individualisme, comment voulez-vous absorber facilement cette immigration de type communautariste? Alors maintenant, j'en arrive à un autre point, toujours sur cette immigration, aux menaces, puisque vous avez évoqué ce problème, aux menaces pour la sécurité, dont on parle beaucoup aux États-Unis et dont on est très réticent à parler en Europe. Tout autour de la Méditerranée, il y a plusieurs pays qui sont en train de se créer un arsenal d'armes de destruction massive. Bien sûr, tout le monde connaît le cas de l'Iran, est diabolisé par les États-Unis, mais il y a aussi l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a vraisemblablement, on a moins de preuves sur la Turquie, mais on sait que les choses vont extrêmement vite, et on ne sait pas évidemment qui sera désigné comme adversaire potentiel. Dieu nous protège, je pense que ce ne sera pas nous. Il y a suffisamment d'hostilité au sein du monde arabo-musulman pour que les armes ne nous frappent pas en premier. Mais les menaces sur la sécurité existent, à la fois par nucléarisation, prolifération nucléaire ou prolifération chimique, bactériologique, et elles existent aussi, on l'a vu, là c'est pas de la fiction, on l'a vu, sur notre souveraineté, notre capacité de décision. Le jour où nous avons dit le foulard est une arme aux mains des islamistes, une arme de domination des femmes, anti-égalitariste, il faut donc exclure le port du voile dans les écoles. Nous l'avons dit, il y a eu un gros débat, et les jeunes femmes osant parler dans les banlieues, en particulier certaines responsables d'associations, ont dit c'est essentiel, c'est pas un symbole, c'est un élément de la vie quotidienne qui est très douloureux pour nous. Alors le jour où nous avons voulu faire ça, vous avez vu ce qui s'est produit. La France a été illico menacée d'attentats terroristes. C'est tout de même extrêmement grave. Et là, moi, je vous cacherai pas que je trouve qu'elle est provocante, mais que j'ai une certaine sympathie pour ce qu'écrit Oriana Fallaci, une Italienne, c'est une écrivain, qui n'est pas spécialisée dans les questions de population ou d'histoire, mais elle est écrivain tout simplement, mais elle est très intelligente et surtout très courageuse, elle a été menacée de mort, elle dit que l'Europe, si on n'y prend pas garde, va devenir une province de l'islam. Bon, c'est certes pour l'instant de l'imaginaire. Dans ma conclusion, vous verrez, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense que l'Europe peut se redresser. Elle en a les moyens. Mais il faut méditer ce genre de choses. Ça fait partie des scénarios qui ne sont pas totalement exclus. Alors, vous avez compris, je ne suis pas favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est pas la peine que je développe l'argument, mais je vais quand même ajouter des choses par rapport à mes amis qui s'occupent de problèmes de sécurité ou qui sont au Quai d'Orsay, dont je ne partage pas les positions. Certains disent, ils ont en particulier deux arguments. Un, la démographie. La Turquie est un pays qui va compter, qui donc pourra aider l'Union européenne par son nombre et puis par la jeunesse de ses structures par âge. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça va déséquilibrer nos structures. Parce que la population turque a été jeune jusqu'à il y a peu de temps. Elle est en train de vieillir très rapidement parce que la fécondité dans sa partie occidentale est une fécondité, disons, à peu près sensiblement européenne. Ça veut dire qu'il devient inférieur au remplacement des générations. Donc on ne peut pas compter sur l'apport des Turcs pour vitaliser notre économie. Et en plus, si on s'ouvrait à la Turquie, n'oublions pas que la Turquie est un pays qui envoie encore, mais de façon provisoire, des migrants, mais qui est en situation de transition migratoire. Elle a énormément de réfugiés et d'illégaux sur son propre territoire. Ça veut dire que si, tôt ou tard, après l'absorption de la Turquie, mettons en 2020, ben on absorbera ces populations qui ne font que débuter leur entrée sur le pont turc, si je puis dire. Ne soyons pas trop innocents. Autre point, mais je me limite à la démographie. Les autres, je les écarte. J'ai bien sûr mon opinion, comme chacun. Le deuxième argument, qui est un argument insuffisamment connu, c'est l'argument de la CEI turque. Vous savez qu'il y a eu une CEI soviétique qui s'enveloppait dans le manteau de l'URSS ou de la Russie pour être... Communauté des États indépendants. Communauté des États indépendants turcs. Ah, oui, merci, monsieur le Président. Avec, évidemment, la Turquie comme noyau principal et avec, comme périphérie, les cinq États turcophones de l'ex-Russie. Et c'était écrit dans des documents officiels comme... m'ont révélé des étudiants turcs. J'étais assez étonné. Évidemment, maintenant, on est en position de rétraction, on n'en parle plus. Et n'oublions pas qu'il y a des tentatives de subversion jusqu'au Xinjiang, dont la langue est une langue dérivée du turc. Et donc, il ne faut pas... Il faut savoir que la Turquie, ce n'est pas seulement la Turquie. C'est un monde... extrêmement vaste, extrêmement compliqué, très instable, que nous aurions beaucoup de peine à maîtriser. J'en arrive maintenant à l'islamisation de nos périphéries. Beaucoup de pays ont fait des calculs, en particulier les Néerlandais, parce que les Néerlandais sont parmi les seuls à pouvoir faire ce genre de travail, sur l'évolution de leurs villes. Et très vite, beaucoup de villes en Hollande seront à majorité musulmanes, indonésiennes par exemple, ou autres. Très très vite, à l'horizon 2030 ou 2035, ça va très vite. Pour moi, démographe, c'est un horizon court. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si le brassage ne se fait pas, ce qui est un peu le cas? La statistique la plus éloquente sur le brassage, c'est la statistique des mariages mixtes. Si vous regardez les mariages mixtes aux États-Unis, vous constatez que les jeunes Asiatiques, pour les deux tiers, se marient en dehors de la sphère asiatique. Ils épousent généralement des gens de provenance européenne. Mais disons, c'est un signe d'intégration assez fabuleux. Les jeunes Hispaniques aussi se marient beaucoup avec ce qu'on appelle des anglos, mais qui ne sont pas forcément des anglos. Ça peut être des gens, vous le savez, le mot anglo ne veut plus rien dire, qui sont d'origine italienne. Il y a un mélange polonaise et un mélange phénoménal. Chez les Noirs, les mariages mixtes qui étaient rarissimes ne le sont plus. Ils approchent de 10%. Donc, les choses se transforment à une vitesse qu'on n'imagine pas. Par contre, de ce côté-ci de l'Atlantique, si l'on regarde les données allemandes, on s'aperçoit que parmi les jeunes immigrants d'origine turque, deux seulement franchissent la barrière ethnique, se marient avec des Allemands. C'est extrêmement rare, tant qu'il y a un problème de rapprochement des civilisations. Les Allemands supportent mal un mariage avec une personne d'origine turque et réciproquement une famille turque n'accepte pas qu'un enfant, et surtout une fille, épouse un Allemand. Donc il y a ici une statistique qui parle d'elle-même. Il est difficile de la réfuter. Par contre, il faut aller jusqu'au bout, c'est beaucoup moins vrai entre les Français et les Maghrébins. C'est beaucoup moins vrai. Le brassage ne se fait pas à la hauteur de ce qu'on voit aux États-Unis avec les Hispaniques ou les Asiatiques surtout, mais il se fait. Il va dans la bonne direction. Il est vrai qu'il y a une histoire partagée. Il est vrai qu'il y a une langue partagée. Bon, ça aide à comprendre. Et il est vrai que le monde du Maghreb partage depuis très très longtemps aussi notre histoire économique. L'ennui, je vais terminer sur ce point concernant le premier cercle, au sein des 15 de l'Union européenne, 8 seulement pouvaient fournir des statistiques sur la présence du monde musulman et les caractéristiques des musulmans présents sur le sol. Alors, on refuse. Il y a un refus délibéré de connaître les choses. Et je pense que tout homme politique a le devoir de savoir s'il veut bien gouverner. Il n'a pas, en France, en Italie, en Espagne, pour ne citer que 3 pays, il est illégal de poser des questions sur la religion au recensement ou dans des enquêtes officielles, disons. Donc, c'est dommage, je crois qu'il faudrait faire pression, tout simplement, par volonté de savoir et de mieux gouverner. J'en arrive maintenant au deuxième cercle, c'est le cercle de l'Afrique subsaharienne. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous savez que l'Afrique subsaharienne vit un drame encore plus poussé que le monde musulman. L'Afrique subsaharienne représente 1/40 du poids économique en parité de pouvoir d'achat, 1/40 du PIB mondial. Et la situation ne va pas dans le bon sens. Et il y a dans le monde africain une bataille continue, vous le savez, entre le monde musulman et le monde non musulman. Il y aura vraisemblablement un islam noir important dans l'Europe des 20 prochaines années. Et cet islam noir sera beaucoup plus problématique parce qu'il a des coutumes de lignage, des coutumes patriarcales, des formes de solidarité qui sont encore plus éloignées de notre style de vie occidental. Alors je vais maintenant parler d'une question dont on parle régulièrement, c'est le problème du vieillissement de nos populations en Europe. Bon, il y a un volet financier que vous connaissez parce que bon, partout dans les journaux on en parle. On met en avant la question des pensions de retraite, certes c'est un problème difficile, mais un autre problème plus difficile sera le financement des dépenses de santé. Tous les documents que j'ai vus, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, sont extrêmement pessimistes parce qu'on ne peut pas empêcher la croissance souvent exponentielle des dépenses de santé. Alors qu'en matière de retraite, on peut fixer des règles concernant la durée cotisée et les gens finissent par s'y plier. En matière de santé, il s'agit de lobbies qui luttent contre l'intérêt général et on a beaucoup de mal à les freiner. J'ai même vu des projections qui donnaient une croissance des dépenses de santé pouvant aller jusqu'à 30% du PIB dans certains pays. On n'en est pas là en France, hein, mais on dépasse, vous le savez déjà, les 10%. Et le dernier point qui est très sensible, c'est la montée exponentielle sur le plan démographique des personnes très âgées, avec les problèmes de financement de la dépendance, qui sont très très compliqués, à la fois sur le plan financier et sur le plan éthique. Le nombre de personnes de plus de 80 ans à l'horizon 2050 va être multiplié par plus de 5 au sein de l'Union européenne. Alors comment fera-t-on face? Les Allemands ont essayé de mettre en place, vous le savez, une allocation dépendance et maintenant ils s'aperçoivent que c'est pas si facile, c'est généreux, mais c'est pas très facile à financer. Nous avons fait la même chose et nous faisons le même constat. Alors j'en arrive maintenant à des choses plus positives, aux remèdes. Comment faire? Je crois que la situation n'est absolument pas désespérée. On peut agir sur la fécondité, contrairement au discours ambiant. Les gens disent on ne peut rien faire, si la fécondité est basse, c'est parce que les couples ont décidé d'avoir une basse fécondité. C'est inexact. C'est inexact. Toutes les enquêtes qui ont été faites par l'Eurobaromètre, qui est l'institut de sondage qui travaille sur un peu tous les problèmes, montrent que le nombre idéal ne bouge pas d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. Il est autour de 2,1, 2,2. Ça veut dire que chaque société, finalement, et les individus interrogés sont des jeunes couples, hein, chaque société, finalement, souhaite se reproduire, ne pas disparaître. Et dans certains cas, vous avez une fécondité qui est deux fois plus faible que cet idéal. Dans d'autres, la marge est faible, si je puis dire. La France n'est pas très loin de la ligne d'équilibre. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a trois Europes. Une Europe au nord, c'est ce que j'appelle celle de l'arc Atlantique, où la fécondité est assez déséquilibrée, mais sans que ce soit catastrophique. Vous avez une Europe où les choses vont mal, parce que ça fait longtemps que la fécondité est assez basse, sans être très basse, et vous avez le reste, c'est toute la couronne sud et est, qui est dans une situation calamiteuse. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. La fécondité est telle qu'à chaque génération, potentiellement, les effectifs seraient divisés de moitié. Alors, vous imaginez, c'est catastrophique, et l'exemple russe fait réfléchir. Tout le monde a lu dans la presse que la population russe diminue, M. Besançon le sait mieux que moi, très vite, à raison de 800 000, je crois, chaque année, en dépit du rapatriement de colons. Ah, donc, il est possible de relever la fécondité, parce que dans les pays où la fécondité est très basse, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas d'effort pour aider les jeunes parents. L'effort public en pourcentage des dépenses de sécurité sociale déployées pour les jeunes parents est inférieur à 1% dans toute cette couronne qui a une fécondité extrêmement basse. Vous prenez le monde germanique, vous êtes à peu près à 2%. Vous prenez les pays de l'arc atlantique, qu'ils soient Grande-Bretagne, France, Scandinavie ou Benelux, vous avez des dépenses qui dépassent systématiquement 4% du PIB. Ça peut être pour les crèches, ça peut être des allocations familiales, ça peut être des réductions d'impôts, chacun peut s'y prendre à sa façon. Et en France, il y a une chose qui n'est pas inclue dans les calculs, c'est l'école maternelle. C'est un atout que le monde entier nous envie. Et vous avez suivi probablement les discussions de la commission Tello. À la suite des travaux de la commission Tello, beaucoup d'experts ont dit nous avons un âge minimum légal d'entrée à l'école qui est de 6 ans. En pratique, puisque tous les enfants sont scolarisés à 3 ans, il faut la baisser à 3 ans. Et ça améliorera les chances des enfants défavorisés et notamment des enfants issus de l'immigration. Et ce ne serait pas une utopie, puisque les choses sont déjà là. Les enfants, à 3 ans, sont tous scolarisés. Et tous les pays, en particulier notre voisin allemand, souhaiteraient en être là. Ils en sont bien loin. La prise en charge de la petite enfance en Allemagne est un problème privé qui pénalise très fortement les jeunes mamans. Et on comprend qu'elle n'ait pas beaucoup d'enfants. Et si je vais plus loin, je m'aperçois que les pays vraiment féministes, ça veut dire ceux qui prennent en compte les désirs des femmes, en particulier l'activité professionnelle, partout les femmes maintenant sont instruites et souhaitent travailler et mettre leur carrière avant leur famille. C'est comme ça. Partout où il y a un féminisme fort, à la fois pour ce qui concerne la vie professionnelle ou la vie politique, comme en Suède, partout, la fécondité est très proche du remplacement. Si vous posiez la question spontanément à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous pensez que la fécondité suédoise est forte ? Vous direz, mais c'est impossible. Les Suédoises sont émancipées, elles sont protestantes, elles sont des luthériennes. Allons, elles ne vont pas se laisser faire. Et puis, bon, les choses sont nettement plus complexes. Les femmes partagent le pouvoir. Il y a autant de femmes ministres que d'hommes ministres au Parlement, il y a 40% de femmes. Disons, les femmes ont une voix importante dans toutes les instances politiques. Et c'est ce qui explique ce type de mesures dont je viens de vous parler. Alors maintenant, sur l'immigration, voilà, sur la fécondité, il est parfaitement possible, à condition de mettre le paquet, mais c'est pas des sommes extraordinaires. Hein. Ce qu'on dépense en pension et en frais de santé, c'est entre 20 et 25% en France, en Italie, en Allemagne. Moi, je parle de 4%. C'est pas beaucoup. Donc c'est jouable de relever la fécondité. Deuxième chose, on peut aussi utiliser l'immigration, mais sans se faire d'illusions. L'immigration ne répare pas les dommages démographiques créés par la sous-fécondité. Parce que nos pyramides, vous le savez, vous l'avez vu, ont des formes très spéciales, de lanterne chinoise ou de vase. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut revenir à une situation qui soit proche de l'équilibre? Ben, c'est faire disparaître le creux. Ça signifierait qu'on importe uniquement des bébés, sans les parents. C'est pas tellement réaliste et c'est pas tellement conforme à nos idéaux. Vous voyez, donc on ne peut pas trop compter sur l'immigration. C'est un élément qui joue plus pour la politique économique que pour la politique démographique. Et puis, autre chose qui complique les décisions des hommes politiques, c'est l'importance de la xénophobie, toujours mesurée par Eurobaromètre. Autrement, on nous accusera de prendre tel institut de sondage ou tel autre, d'avoir profité de telle conjoncture politique, mais prenez régulièrement les résultats produits par Eurobaromètre. Dans tous les pays, à epsilon près, vous avez les mêmes résultats. Dans tous les pays membres, un tiers de l'opinion se dit ouvertement raciste, se déclare ou se proclame raciste. Un tiers se dit simplement raciste. Et c'est vrai dans tous les pays membres, que ce soit au nord, au sud, au centre. Et un tiers se dit, c'est pas mon problème, moi, c'est pas une question importante à mes yeux. Donc, c'est un domaine extrêmement difficile pour l'homme politique. Très difficile de prendre des décisions. Alors, ce que je suggérerais, si pour éviter les chocs possibles ou les menaces dont j'ai parlé, c'est de mettre en place des quotas, comme tous les pays anglo-saxons, des quotas dans le sens d'ouverture. Chez nous, en France, on a l'impression, quand on parle de quotas, c'est la fermeture des frontières. C'est exactement l'opposé. Les quotas sont faits, ont été créés aux États-Unis en 1965 pour ouvrir les frontières à des catégories qui n'étaient pas là. Pourquoi l'Europe n'utiliserait pas le même type de mécanisme en s'ouvrant au-delà de son marché habituel? Voilà, alors, conclusion, le déclin irréversible. Un, je vous l'ai dit, on peut faire une politique migratoire et une politique de fécondité adaptée. Deux, on peut faire ce que le Japon est en train de faire maintenant, se lier davantage par l'exportation aux pays qui sont les plus porteurs. Le Japon s'est lié avec la Chine. Et il est sorti de sa récession en grande partie par exportation, en déversant ses produits sur le marché chinois. Alors pourquoi pas nous? Monsieur le Président est allé en Chine et puis après on a vu les chiffres de commerce extérieur de la France en Chine, mais ils sont lamentables. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour l'Inde, c'est probablement la même chose. Alors ce sont les deux pays qui vont peser dans l'équilibre économique et qui tous les deux ont une grande vitesse de croissance. Troisième point, je pense qu'il faut renouer les fils qui nous lient avec l'économie atlantique, qui nous lie aux États-Unis. Nous avons fait beaucoup de bêtises, nous avons sous-estimé la puissance américaine et les États-Unis restent, qu'on le veuille ou non, notre premier allié. Et ont un potentiel économique absolument fabuleux. Enfin, ce qui est prévu par le Bureau du recensement aux États-Unis pour 2050, c'est entre 400 et 500 millions d'habitants. On ne peut pas ignorer cette réalité. Merci, j'ai peut-être dépassé de quelques minutes. Merci beaucoup à tous. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques avec Jean-Claude Chenet. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Finot, Christine Goémé. Culture. Il portait des... Baby, don't... You know Frank Sinatra? Sinatra's had a long life. Sinatra a vécu très longtemps. Frank Sinatra. So he must be... have some good. Donc il doit être bon. Jacques Brel, quelle est votre formation musicale? Elle est entièrement nulle. Alfred Hitchcock, est-ce que vous connaissez des chanteurs français? Ça monte qui partait comme un boulet de canon. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les feutons. C'est la smotora de nos femmes. Se met la terreur dans toute la région. Vous connaissez Johnny Hallyday? By name only. Seulement de nom. You mean Johnny Vacances? C'est Johnny qui parle. Je crois impossible d'écrire une chanson en langue française sur les rythmes syncopés. Ça, il faut expliquer un peu en anglais. John Baez, quand vous êtes seul chez vous, quelle musique écoutez-vous? Vous écoutez France Culture. I listen to Vivaldi, to Bach, soft rock. J'écoute donc Vivaldi, Bach et puis du rock, mais pas du rock dur. Deep Purple, un nouvel album, Fireball, chez Pathé. Une chanson, c'est fait non pas pour être chantée, c'est fait pour être racontée. Et si tout mon corps n'aide pas ce texte, c'est pas une chanson. C'est un petit truc écrit, plus ou moins habile, plus ou moins droit, plus ou moins raté, avec une petite musique. Quand on lit vos programmes, on s'aperçoit que vraiment vous n'avez aucune discrimination. Rock, mais pas du rock dur. Avec... Non, il faut trois idées pour une chanson. Il faut une idée de musique, une idée de texte, et puis l'idée qu'on n'attendait pas. Moi, j'ai des idées, mais ils changent, je ne suis pas sûr, mais... Vous savez quand c'est mauvais? Vous aimez l'argent? Of course. Naturellement. Qu'en faites-vous de votre argent? I wear it. Et l'achète des vêtements. Entre parenthèses, Dylan gagne 10 millions environ par gamme. On ne peut pas dire que vous faites de la chanson fantaisiste, ni même de la chanson gay, ni même de la chanson optimiste. Donc, Bob Dylan ne semble pas si libre qu'il veut bien le faire paraître. Pour finir, je dois vous dire qu'on est très contents, nous, à France Culture, d'avoir pu vous interviewer. Et j'ai une petite curiosité. J'écoute de plus en plus France Culture, c'est vachement bien, les mecs. Hein, changez rien, ça fait plaisir. Si vous pouviez de temps en temps mettre du Barry White, ça me ferait plaisir. On vous mettra du Barry White et du Chad Mabi. Merci beaucoup. Avec plaisir, salut. Vous écoutez France Culture. Ah là là là, qu'est-ce que je demanderais? Un bain, moi. Cet enfin, été. Sorti de bon. Sur France Culture. Mais qu'est-ce que je demanderais? Oh là là. Plus de justice sociale. Je fais comme ça. Dans la rue, c'est l'enfer. Parce que c'est dominant, dominé. Et là, ça fait pas de cadeau parce qu'il n'y a pas de règles. Faut surtout pas croire que ça arrive aux autres. Personne n'a rêvé de ça dans sa vie. Personne. C'est vraiment l'archaïsme. Dehors, en attendant demain, sur France Culture, deux documentaires pour interroger l'exclusion sociale et ses multiples formes. Quand on est dans la grande exclusion, la loi ne s'occupe pas de toi. Jamais la loi ne se manifestera là. On est livré à soi-même. C'est une régression. C'est l'aventure avec un grand A, quoi. C'est tellement profond, c'est intérieur, ça atteint des couches assez profondes de moi, tout simplement, que je ne peux pas en parler. Ça devient pudique, quoi. Ça devient secret. Et pourquoi je ne peux pas dire ce que je pense vraiment du mot SDF? Réflexion, témoignage, dehors, en attendant demain, Radio Libre, samedi 27 et dimanche 28 août à 15h. France Culture rend hommage au compositeur Luc Ferrari, disparu le 22 août, et vous propose d'écouter ce week-end, en nouvelle diffusion, un certain nombre d'émissions auxquelles il a participé. En 1969, avec Pierre Schaeffer. En 1975, avec Georges Léon. L'atelier de création de Daniel Coe, de 1979. Et plus récemment, les émissions d'Alain Weinstein, Christian Rosset, Jeanne-Martine Vacher, Philippe Langlois et Bastien Gallet. Hommage à Luc Ferrari, ce samedi et dimanche, sur France Culture, de 19h40 à 22h. Cet été, sur France Culture. Si on suit le cheminement des opérations, on part des autorités allemandes qui prennent la décision et qui souvent, à la clé de cette décision, fournissent les listes. le bureau des affaires juives. Là, vous, là peut-être, Maurice Papon, vous qui n'aimez pas que l'on généralise, généralisez-vous peut-être un peu. Dans ce qui est le problème de la fourniture des listes, je crois que nous aurons l'occasion de voir les choses peut-être plus en détail et de façon plus resserrée. Certainement. 8 octobre 1997, 2 avril 1998, devant la cour d'assises de Bordeaux, se tient le procès de Maurice Papon, premier fonctionnaire jugé pour crime contre l'humanité. Rien ne se passe en ce qui concerne les affaires juives qu'ils me mettent au courant. France Culture revient sur ses 95 jours d'audience, 25 émissions pour en restituer, au plus près, la densité, la complexité, en proposant des éclairages historiques, juridiques et journalistiques. Si on appelle opérationnel... Et voilà, il faut s'entendre sur les termes. Le fait d'observer et de négocier, oui, alors là... Mais ça, c'était notre part d'initiative. Bon. On pouvait ne pas s'en préoccuper, ce qui était le cas antérieurement, comme le disent les experts. Le procès Papon, du 25 juillet au 26 août, de lundi à vendredi, à 11h. Quando Lisboa anoitece, como voeiro sem velar, a fama toda parece uma casa sem janela. Aonde o povo arrefece, é numa água furtada, no espanso roubado à mágoa, que a fama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite faz. Écoutez France Culture à Vesoul sur le 96.1. Une soirée spéciale rentrée littéraire sur France Culture. À l'occasion de la sélection France Culture Télérama, soit 20 titres français et étrangers, en direct et en public au Théâtre de la Colline, mardi 6 septembre, vous êtes invités à retrouver un grand nombre de ces auteurs et leurs textes auxquelles des comédiens viendront prêter leur voix. Soirée Rentrée littéraire 2005 au Théâtre de la Colline à Paris, présentée par Arnaud Laporte et Michel Abesca, mardi 6 septembre, en direct, en public, de 20h30 à 22h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout savoir, franceculture.com. Cet été, sur France Culture. Ouvrons les armoires, les lettres, les tiroirs secrets. Peut-on faire table rase du passé? La psychogénéalogie, petite dernière des sciences humaines, laisse clairement entendre le contraire. Chaque samedi, cet été, partons explorer la mémoire familiale. Quelle empreinte laissée en soi, quelle part d'ombre, quel héritage, quelle clé. La psychogénéalogie, enquête dans le monde du transgénérationnel, chaque samedi, du 30 juillet au 27 août à 14h. En multidiffusion, dimanche à 7h. Matinée sur France Culture, dans quelques instants, quartier d'été, informations, chroniques, enjeux internationaux et revues de presse avec un invité pour accompagner l'actualité. Et ce matin, ce n'est pas comme la lune, c'est le dernier quartier. 8h30 à Voix Nue nous a proposé cette semaine de redécouvrir des entretiens avec Sylvia Nagasinski et d'approcher au-delà de l'image médiatique une femme et une philosophe déterminée, ouverte au monde, soucieuse de la place des femmes, de l'espace de l'art et de la création et de la démocratie. Cinquième et dernier entretien, les temps modernes. 9h05, France Culture ouvre ses archives et cette cinquième semaine de l'été nous a permis de découvrir Elias Canetti, un Nobel Atlantide. Nous avons entendu Jacques Canetti, son frère Raphaël Saurin, son petit cousin, puis Canetti en anglais dans une traduction simultanée et ce matin nous écouterons Canetti en allemand. 10h, affinités électives, aujourd'hui le comédien Michael Lonsdal. 11h, le procès Papon, dernier retour sur les 95 jours d'audience que vous avez suivis tout l'été, jour après jour, dans ce travail de mémoire éclairé par des historiens, juristes et journalistes, Marc Ferraud, Marc Lambron, Bertrand Poirot-Delpech, Michael Prasant, Jérôme Prieur et Denis Salas. Mais tout de suite, retrouvons Ali Badou. Bonjour à tous et bon réveil. Il est 6h59 ce vendredi 26 août. Bienvenue sur France Culture. C'est la dernière des quartiers d'été. Lundi, vous retrouverez Nicolas Demorand et toute l'équipe des matins. Et au programme de notre émission, première séquence magazine, on terminera notre tour d'Europe avec les Pays-Bas. Daniel Cohen nous parlera de la flexibilité et Thierry Garcin du Liban dans les enjeux internationaux. Et puis à 7h30, on regardera les grands titres de la presse mondiale avant notre balade quotidienne sur Internet. Et puis deuxième séquence, littérature. Vous savez qu'on fait notre rentrée littéraire dans les quartiers d'été cette semaine et on vous invite chaque matin à découvrir un auteur et un livre de la sélection France Culture Télérama. Et on termine cette série et l'été avec Bayon. Il publie ces jours-ci Les Pays Immobiles chez Grasset. Un livre, mais plusieurs romans ou plusieurs chapitres de romans qui n'ont jamais été écrits. On en parlera à 8h20 avec l'auteur, son pseudonyme Bayon. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Le journal nous est présenté par Véronique Pellerin. Bonjour Véronique. Bonjour Ali, bonjour à tous. Un violent incendie a fait cette nuit à Paris 17 morts et 30 blessés. Le feu a pris vers minuit et quart dans la cage d'escalier d'un immeuble du 13e arrondissement. Il a été éteint 2 heures plus tard. La bâtisse logeait des Africains, surtout des Maliens et des Sénégalais. Les précisions de Samuel Asanoff. L'alerte a été donnée peu après minuit. Les pompiers sont arrivés 9 minutes plus tard. Alors on ne sait pas encore exactement où l'incendie s'est déclaré. Le feu s'est très rapidement propagé à toute la cage d'escalier, compliquant bien sûr l'évacuation des habitants. Beaucoup ont dû être sortis par les fenêtres au moyen d'échelles, ce qui explique évidemment la lourdeur de ce bilan. Dernier bilan, je vous le rappelle, il fait état de 17 morts, dont 7 enfants, ainsi que d'une trentaine de blessés. Les victimes en majorité sont des locataires d'origine africaine. Tous étaient en grande précarité, mais tous avaient des papiers et ils étaient logés là par l'association Emmaüs. Selon le maire du 13e arrondissement présent sur place, l'immeuble qui appartient à l'État n'est juridiquement pas insalubre, mais il le reconnaît et les témoins le confirment, il était dans un état médiocre. Une rénovation devait d'ailleurs avoir lieu. Pour expliquer ce bilan si lourd, les témoins évoquent également la surpopulation. Beaucoup d'appartements très petits étaient occupés par des familles entières, jusqu'à 8 personnes, disent les témoins. En tout, 130 locataires habitaient les lieux. Les rescapés, eux, ont été conduits vers un gymnase situé tout près de là, dans le 13e arrondissement. Ils vont maintenant être pris en charge par la Croix-Rouge ainsi que par les services de la ville de Paris. Dominique Perben, le ministre des Transports, a décidé de publier la liste noire des compagnies aériennes interdites de vol en France parce qu'elles ne sont pas assez fiables. Cette liste sera publiée sur le site internet de la DGAC, la Direction Générale d'Aviation Civile, qui publiera aussi la liste des compagnies autorisées et celles qui sont affrétables. En ce moment, 4 compagnies sont interdites, une coréenne, une américaine, une du Libéria et une du Mozambique. En outre,